Eh bien, bonjour Blanquette. Bonjour. Comment allons-nous en ce beau jour de Il fait juin? beau. Oui, Il fait beau ça fait partout. du bien. Trop bien. Eh bien, on peut plonger directement dans le cœur du sujet. On dit souvent que le drag est politique par essence. Mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qui, j'ai l'impression, parfois est un peu une phrase toute faite? Ouais, mais c'est un peu ça que je pense, que c'est un peu une phrase toute faite. C'est un peu commencer par une question bâtarde, hein, parce que c'est une question où on peut se perdre. Moi, je sais que je dis que mon drag est politique, parce que notamment, je préfère qu'on me dise drag politique que drag queen Ok. ou drag queer. Et j'ai l'impression que ça dépend où est-ce qu'on pose son regard, en fait. Le drag est politique, si on prend le regard des homophobes, des transphobes en général, en fait. Et que du coup, bah oui, effectivement, ce qu'on fait devient politique, puisqu'on est en dehors de leurs normes à elles. Donc là, je trouve que c'est cohérent de dire que le drag est politique par rapport aux gens qui sont contre. Mais en soi, je pense que depuis très très longtemps, le drag a perdu ce pourquoi il se définit pas comme politique. Et c'est pas un problème. Je suis contente de voir que le drag est hyper dans l'entertainment aussi, que le drag, ça peut être tout doux, ça peut être aussi du Tina Turner, ça peut être plein de choses diverses qui sont pas forcément politiques. Mais ça, c'est juste mon avis de moi aujourd'hui en Oui, bien 2023. sûr. Mais je pense que le drag politique, c'est en fonction du point de vue. C'est politique parce que des gens ne veulent pas le voir, que c'est politique si on le fait. Mais que ça ne vient pas d'essence forcément politique de soi, notamment parce que le drag est aussi problématique. Et qu'en fait, à partir du moment où des fois il est problématique, à quel moment il devient politique? On a du drag des fois qui est assez misogyne, par exemple, ben, est-ce qu'on regroupe tout le drag sous la forme de drag politique? Tu vois, je trouve ça un peu facile comme raccourci, en fait. Donc pour toi, dans ta vision des choses, il suffit pas de se dire, voilà, je suis sur scène en jouant des codes du genre pour produire un rendu artistique qui se décale de ça ou qui les met en exergue pour mieux les déconstruire. Pour toi, en soi, c'est pas suffisant pour se dire politique, entre guillemets, ou en tout cas pour livrer un contenu politique. Là, ce que tu viens de dire, c'est politique, justement, Mais oui. qui déconstruit les normes de genre et qui les met en exergue pour les reconstruire. Mais c'est parce que c'est parce qu'on voit dans la scène drag constamment. C'est ça. Enfin, loin de là. Enfin, et c'est pas grave. C'est pas grave du tout, mais c'est pas ce que je vois dans les scènes drag tous les week-ends, tu vois. Genre, non, et il y a des gens qui font ça. Donc, oui, c'est hyper politique de faire ce choix, de transformer son art, de prendre son art et d'en faire des raisonnements, d'en faire des réflexions qui vont re-questionner le genre, le modifier, apporter une nouvelle vision du ou des genres, comme utiliser les codes du monstre, les modifications de corps qui sont hyper intéressantes. Mais en soi, s'amuser, je pense pas que ce soit forcément politique et c'est pas grave. Oui, je comprends. Je comprends, mais du coup, toi, de ton côté, mais donc tu livres des messages qui sont très explicites sur scène. Et d'ailleurs, en plus, avec ce twist de souvent récupérer des musiques ou des chansons qui font vraiment partie d'une certaine culture populaire dominante, en modifiant les paroles pour apporter ce contenu explicite, pour toi, vraiment, ton drag, c'est un porte-voix politique. Oui, moi je sais que mon drag il vient de là, à la base c'est parce que j'avais plus le courage d'aller en manif et que je voulais continuer à avoir une forme d'activisme. Je trouvais ça hyper intéressant d'utiliser une forme artistique pour le continuer, que ce soit, il y en a qui font des collages, il y en a qui font des chansons en studio. Ben, moi c'était le drag, là, ce par quoi j'ai été appelé, ça a été le drag et j'ai vu là-dedans un endroit où en fait on peut faire passer des messages et ça peut être drôle. Et c'est là que j'ai réfléchi au fait que en fait on peut être hyper violent et en même temps humoristique et balancer des gros trucs dans la gueule des gens, les faire réfléchir tout en utilisant l'humour aussi. C'est important pour toi, du coup, de lier humour et messages forts ou qui peuvent être confrontants ou violents dans le sens rentre dedans. Je crois que ça permet de faire plus facilement comprendre quelque chose, de toucher plus de gens, mais d'aussi... En fait, l'humour, ça fait passer tout. Tu vois, l'humour, c'est un peu la base de notre société, je pense. Enfin, c'est l'une des bases de notre société, c'est rigoler, on rigole depuis qu'on est enfant, en fait. Même quand t'es bébé, tu sais pas parler, tu rigoles. Enfin, c'est dans les sens, c'est dans quelque chose qui est au fond de toi. Au début, c'était un peu moins drôle ce que je faisais. C'était avec Schlagi Daddy et Laurine Vitriol, où on était vraiment, mais c'était trash. Mais franchement, c'était drôle pour nous. Mais je pense pas que c'était aussi drôle pour la plupart des gens. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment coup de poing. Mais en fait, l'humour, il a permis de sortir de scène toujours en colère. Tu vois, c'est dur. En vrai, j'ai une période comme ça où j'avais besoin de cette colère. Mais en fait, au plus je me transforme dans l'humour, au plus les gens comprennent plus facilement, aussi notamment les personnes non concernées, vont être plus facilement touchées parce que bah, tu le dis avec une blague, en fait. Donc, tant que sur ta blague, elle retombe bien pour qu'ils ont bien compris que ce n'est pas juste toi la blague. Pour moi, c'est OK. Et après, pour moi-même, en tant qu'artiste, de me dire, genre, je ne suis pas constamment dans une colère et je peux, l'humour, ça me permet de me soigner aussi et d'en rigoler aussi, et mais en faisant toujours attention à ne pas être la blague. Et c'est, ils vont rigoler avec moi, mais pas de moi. Trop bien. Trop bien. Bah oui, je trouve aussi que l'humour, ça manque aussi parfois d'un certain discours politique ou de la volonté d'actes politiques qui, du coup, entre guillemets, doivent être sérieux, doivent être premier degré et qui peuvent braquer des gens ou confronter et fermer, en fait, au lieu de plutôt ouvrir à du dialogue. Mais justement, en parlant d'ouvrir le dialogue, moi, en tout cas, de mon expérience, le public des drag shows, c'est très majoritairement des personnes LGBT+, ou en tout cas des personnes qui sont relativement conscientisées à ces thématiques-là, à ces identités-là. Et du coup, est-ce que ça fait sens d'amener des contenus sur sur l'homophobie, sur la transphobie, etc., à des publics de drag show? Je dirais deux choses. Déjà, je ne suis pas sûr que le public des drag shows soit que des personnes LGBTQIA+ et conscientes. Mmh. Il y a notamment beaucoup d'enterrements de vie de jeunes filles hétéra dans les drag shows. Il y a, on peut dire LGBTQIA+, moi je vois aussi beaucoup de juste gays et de personnes gays cis dans les drag shows qui ne sont pas du tout conscientes des combats du reste de l'alphabet LGBTQIA+. Mais après, pour la question que tu as posée, je pense que, on l'a vu avec les différents collectifs plus activistes qu'il y a et qu'il y a eu dans cette ville. Je pense que quand tu vois un combat sur scène et que tu l'as eu aussi, ou un trauma, en fait, c'est hyper important. Parce qu'en fait, tu entends des gens qui sont comme toi. Et moi, je sais, quand je vais à des drag shows, justement en tant que spectatrice, et qu'on parle de quelque chose que je vis au quotidien, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que je me sens vu, je me sens écouté. Je n'ai pas l'impression d'être seul dans mon combat ou dans mon trauma. Et ça, c'est hyper important d'avoir ces représentations-là diverses. Après, oui, on ressasse les choses tout le temps, mais c'est notre vie. Et en fait, dans le quotidien, en dehors de ces drag shows, c'est comme si nos combats n'existaient pas, c'est comme si notre trauma n'existait pas. Et le fait de les entendre, de les voir, de pouvoir en pleurer ensemble, de pouvoir en rigoler ensemble, et quand t'as des drag shows comme ça où t'as que des gens de la communauté, justement, c'est juste magique de se dire, et tu l'as déjà vu sûrement comme moi, qu'il y a des moments vraiment de fusion entre le public et la scène, où je me souviens d'un show de Not Allowed une fois où, enfin, tout le monde s'était tenu la main, mais de la scène jusqu'au public, et c'était une énorme chaîne de main tenue. Je suis hyper ému en disant ça. C'était des moments comme ça où, au final, oui, c'est une énième fois que l'un d'entre nous parle d'une agression dans la rue, mais en fait, on en a besoin. On en a besoin, et il faut continuer à en parler, il faut continuer à expliquer ça, même entre nous. Donc la politique, c'est pas que de la militance vers l'extérieur, mais c'est aussi prendre soin à l'intérieur de nos communautés, mmh, et se soutenir dans les luttes, quoi. Ça, et en plus, on n'a pas tous les mêmes luttes dans nos communautés. Mmh. Et ça, c'est hyper important, en fait, que ça, par exemple, une femme trans qui va amener son combat sur scène, toutes les personnes dans la salle ne sont pas des femmes trans, ou elles ne sont pas forcément conscientes du quotidien de chaque personne dans la communauté. Et puis la scène, elle n'est pas non plus si diversifiée que ça, donc c'est important d'apporter de nouvelles choses et de nouveaux combats pour que tout le monde les entend dans le public. Et comment, par exemple, quand tu prépares une nouvelle performance, justement par rapport à ce que tu dis, que en fait, le drag peut aussi être problématique, et que même parfois, en fait, des drags qui se veulent très bien intentionnés en finissent par, en fait, véhiculer des messages qui peuvent être blessants ou qui peuvent être réducteurs ou discriminants. Comment est-ce que tu te gardes de ça, ou quel conseil t'aurais à donner pour, en fait, vérifier que ces performances soient OK, entre guillemets? Personne n'est parfait. Mais un truc que je disais, je l'ai dit dans mes cours de drag à la Bruxelles Art & Paul, c'est, en fait, créer à partir de toi. Créer à partir de toi, de là d'où tu viens, de qui tu es, de ce que tu as vécu. C'est hyper important de s'inspirer des choses qui t'inspirent, des artistes qui t'inspirent, mais utilise surtout ce qui vient de toi. Et du coup, à partir du moment où tu parles en jeu, tu parles de ce que tu as vécu, de ce qui était propre à toi, en fait, ça va rarement être problématique puisque ça te concerne. Tu parles en tant que concerné, et je dis pas qu'il faut forcément faire des trucs politiques tout le temps, tu vois, mais tu peux faire un truc même fun, triste, en colère, tout doux, mais à partir du moment où c'est ton point de vue, où c'est ce que tu as vécu, tu peux difficilement t'éloigner tu peux difficilement t'approcher de quelque chose de problématique, j'ai l'impression. Et lié à ça, et lié à ce que tu disais au début, que d'après toi, le drag, dans une certaine mesure, a justement perdu son caractère politique, ou en tout cas un certain impact qu'il pouvait avoir. Est-ce que dans l'explosion actuelle de drag, le fait qu'énormément de gens se mettent au drag, est-ce que pour toi, c'est un risque de quelque part dénaturer le drag ou que des personnes qui ne sont pas concernées par les combats que porte le drag au départ s'y mettent? Ou est-ce qu'en fait c'est une richesse d'élargir les horizons et d'accueillir un maximum de gens dedans? Ben, je pense que pour répondre à cette question, il faudrait définir ce que c'est le drag. Et ce serait compliqué de définir ce que c'est le drag. Mmh. Tu parles de gens qui rejoindraient sans défendre ces combats. Je pense que ça fait des années qu'on n'a plus forcément de combats dans le drag ou plus beaucoup de combats. Et c'est OK, puisque d'un médium artistique qui est né de la colère, qui est né de l'exclusion, qui est né du communautarisme queer, que cette forme d'art-là ait pu tellement être acceptée, diversifiée, que maintenant elle peut en devenir juste de l'entertainment, bah c'est aussi génial pour ces gens-là. Moi, c'est un truc où je sais que c'est hyper loin de mon art à moi, mais le drag, par exemple, plus transformisme ou plus tout doux en mode genre lip-sync classique, mais, dans certains cabarets, bah, je trouve ça génial puisque ces personnages s'amusent et ils ont un public qui vient de s'amuser. Si maintenant, il y a, comme on le voit, il y a des milliers, voire des millions de nouveaux drags en Belgique tous les jours, j'ai l'impression, dont certains X qui sont hyper trash politiques, hein, qui parlent de sujets vraiment, vraiment pas fun du tout. Ça fait d'autres choses. Il y a d'autres gens encore maintenant qui arrivent, je sais aussi dans ces bébés qui sont hyper plus femme queen comme ça, genre pas de message du tout. Mais tu vois que ces personnes sur scène, c'est comme des fleurs qui naissent, qui sont juste en appréciation de leur corps et c'est juste trop beau. Si dans d'autres endroits, c'est des gens qui font des trucs beaucoup plus trash, qui veulent pas du tout faire des scènes mainstream mais qui vont dans des trucs genre où on s'en fout d'être accepté parce que nous on impose ça, mais c'est encore une autre forme et en fait on a de plus en plus partout et c'est plein de formes et je trouve que c'est là que le drag pour moi se définit, c'est un endroit où en fait il y a rien qui se ressemble, rien du tout. Certains s'inspirent des américaines, d'autres du passé, d'autres font des trucs hyper communautarisés et c'est là que je trouve ça génial et en fait personne n'a de compte à rendre à personne dans le drag, à partir du moment où tu le fais pour des valeurs qui sont propres à toi, que tu penses être respectueuse, que tu penses être... Où tu te sens bien. En fait, apparemment, tu t'amuses. Mm-hmm. Même dans la tristesse. Bah, c'est génial. Et il peut y avoir un milliard de drags tous les jours, nouvel eau, bah, tant mieux. Tant mieux. Enfin, si tout le monde... Franchement, j'aimerais bien avoir une société où tout le monde au moins fait une fois du drag, quoi. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as lancé tes cours? Parce que ça, bon, on en reparlera plus tard, et puis toi, tu l'as déjà mentionné, mais donc tu as lancé depuis, si je me souviens bien, un an au moment d'enregistrer ce podcast, des cours de drag à la Brussels Art and Pole. C'est aussi pour ça, pour encore populariser le drag et pour accueillir les babies ou les personnes qui se posent la question. Je sais pas pourquoi j'ai lancé ces cours. On était avec Angèle, la directrice. On n'était pas marraine pour Crash Test. Et on parlait, on était du coup dans les... loges qui sont au-dessus de la... Enfin, dans la BAP, l'école où il y a les cours de drag maintenant. Et on parlait de plein de sujets dont un jour, peut-être qu'il y aura même des cours de drag et que ça, franchement, ça serait incroyable parce que... Enfin, moi, d'un point de vue personnel et égoïste, je suis hyper heureuse de pouvoir me dire que je puis sortir que des cabarets. Tu vois, les cabarets qui sont géniaux, j'adore vivre dans les cabarets, j'adore ma nightlife, mais il y a toujours de l'alcool, il y a toujours des... Il y a des endroits de sombre, assez sombres comme ça, qui sont pas GG. Et en fait, de pouvoir... explorer le drag ailleurs, en lumière du jour, avec des gens qui sont là dans un cours et pour apprendre. Pour ma part, en tout cas, c'est juste une chance et un privilège colossal. Ensuite, il y avait une volonté de légitimer les gens. Et c'est ce qui s'est vu directement dans les premiers cours, c'est qu'il y avait plein de personnes assignées femmes à la naissance, par exemple, qui ont débarqué, plein de personnes trans, des personnes plus âgées, toute une gamme de personnes, on va dire, qui ne se sentaient pas légitimes dans un milieu drag qui est principalement mené, entre guillemets, par des hommes gays cis. Et c'est OK parce qu'il y a une histoire là-dedans aussi. Mais du coup, c'est des gens qui avaient envie de chercher ça. Et ça s'est fait un peu naturellement, on va dire. Bah non, c'est pas que naturel, c'est que la BAP, c'est aussi une structure, enfin, la Bruxelles Art and Pole est une structure qui se bat depuis des années pour être le plus inclusif possible. Et du coup, je pense que ça, mélangé au drag et peut-être ce que je proposais, bah, ça a fait que plein de gens, notamment les personnes que j'ai dit, sont venus. Et après, le reste, c'est un peu de la magie ce qui s'est passé à la BAP. C'est les gens se sont mélangés, les gens se sont écoutés. C'était genre des grosses séances de psy, des fois, un peu collectives. Et ça s'est très bien passé. Tu parles de légitimer les gens par ses cours, etc. En tout cas, à ma connaissance, ça n'avait jamais existé, les cours de drag. Comment est-ce que toi, tu as trouvé la légitimité d'ouvrir ces cours? C'était horrible. C'était horrible. Franchement, les premières semaines, je rentrais chez moi, j'étais soit un peu en pleurs, soit hyper mal, en crise d'angoisse. C'était vraiment, vraiment très, très dur Parce que je pense que la plupart des artistes drag, on est des gens qui légitiment même pas notre travail. Mmh. Et on a toujours du mal à se faire confiance. Je crois que les scènes drag sont des endroits où les gens ont moins confiance en elles, contrairement à ce qu'on voit sur scène. Et du coup, c'était horrible parce que je me sentais personne pour ça, pour faire ça. Et franchement, j'hésitais même à m'arrêter et tout au début. Et en fait, c'est les feedbacks des élèves qui, en fait, tu vois, j'ai vu plein de gens éclore, qui elles me le disaient elles-mêmes. C'était des endroits, en fait, le fait de juste... Déjà, moi, je suis personne pour enseigner, je leur dis aussi. Et je crois qu'on n'est pas là pour avoir un cours académique, mais vraiment un endroit où on va découvrir ensemble. Moi, j'ai découvert le drag avec mes adelphes de Not Allowed. Ben là, c'était entre ce groupe-là, un groupe du moment. Et du coup, ben, plein de gens se sont découverts elles-mêmes. On peut explorer le drag quand tu laisses la personne s'ouvrir. C'est juste l'un des endroits les plus magiques, je trouve, où tu peux te rencontrer toi-même et tu peux avoir 18 ans comme 60 ans. Tu peux vraiment te rencontrer dans le drag toi-même. Et je crois que se rencontrer, c'est un des plus beaux ressentis que j'ai eu l'occasion de vivre et que j'ai la chance de vivre. C'est de me dire, bah, en fait, je suis cette personne-là. Et je ne pensais pas que j'étais cette personne-là. Et j'ai vu plein de personnes se rencontrer dans ce cours et me le dire après, ou avoir vraiment des moments de discussion hyper intenses. Et du coup, c'est là que tout doucement, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau cours, genre là, on a lancé lip-sync il n'y a pas longtemps, à chaque fois, je rentre chez moi le premier cours et je ne suis pas bien. mais c'est hyper dur. Je pense que je ne serai pas prof toute ma vie parce que c'est vraiment dur, cette remise en question constante. Elle est hyper nécessaire, par contre. Je suis hyper fier aussi de me dire que je suis capable de me remettre en question. Mais c'est vraiment dur. C'est pas évident. Donc si quelqu'un veut prendre ma place, je suis chouette. Bah moi, en tout cas, quand je t'entends, je me dis il y a quelque chose aussi de profondément... En tout cas, moi, je trouve quelque chose d'assez politique, justement, à devenir prof tout en refusant la posture de prof qui est la prof qui sait, qui va transmettre, qu'on va écouter, etc. En tout cas, je trouve, parce que moi, je suis pédagogue par ailleurs, et que moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi d'assumer une vulnérabilité ou en fait de ne pas savoir par rapport aux élèves. Et je trouve que paradoxalement, en fait, ça renforce la confiance que les élèves ont en nous parce que, en fait, elles se rendent compte qu'on est des êtres humains qui doutons, etc. Mais je trouve que c'est très, très fort de s'ouvrir à une vulnérabilité par rapport à ça, d'autant plus dans des cours de drague qui, comme tu dis, il y a un côté. Se masquer pour mieux se retrouver et pour mieux se découvrir, quoi. Mais il y a aussi un rapport à l'école en général qui m'a été hyper compliqué pour moi de me dire, ça n'a pas été des bons moments l'école. Et je ne suis pas la personne que j'étais à l'école, j'ai grave grandi depuis, j'ai rencontré des personnes vraiment assez hallucinantes depuis aussi qui m'ont permis de me rencontrer moi aussi. Il y a un truc où là d'un coup maintenant tu deviens ce que t'as un peu haï, tu deviens un prof, hein. j'ai plein d'amis profs aussi, c'est faux, j'en ai pas tant que ça. Mais ma sœur est prof, donc je respecte. Non, mais c'est un truc en tant qu'enfant queer, il y a un truc où l'école, c'est pas le meilleur moment de ta vie. Et du coup, là, t'as cette responsabilité-là, pour en plus un truc qui te passionne. Donc il y a un truc où t'es genre, moi, quand Angèle m'a contacté en me disant, genre, vas-y, lance ton truc, propose-moi un cours, j'étais juste la personne la plus heureuse du monde, remerciante envers la BAP et envers Angèle. Mais d'un coup, j'étais là, en fait, je vais devenir ce qui m'a fait peur toute ma vie. L'école et le corps professoral. Du coup, j'ai fait en sorte de pas être ce prof-là, quoi. Et justement, parlant de qui est Blanquette, on va un peu se pencher sur ton parcours à toi. Mais avant ça, assister à un show de Blanquette, ça peut ressembler un peu, mais pas trop, on le verra vite, à ça. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Aimer, c'est ce qui est plus. Là, je dis PD normalement. PD. Les gens, ils entendent toujours péter parce que j'ai mal enregistré le son. Les ailes des oiseaux. PD. C'est ce qui est. est plus beau. Donc effectivement, ces extraits peuvent donner une très mauvaise image de ce que tu fais sur scène. Oui, c'est pas exactement ça. C'est ça, mais je modifie les paroles. Du coup, je bosse en studio ou en chanson live aussi, parce que j'aime beaucoup chanter en direct. Et je modifie les paroles, des fois de manière très drôle, des fois de manière plus, un peu plus virulente. Et ça dépend de l'artiste. Mm-hmm. C'est ce que j'ai pas envie de détruire tous les artistes non plus. Mais j'ai un malin plaisir à modifier les musiques de Michel Sardou et à les égratiner un petit peu. Mm-hmm. Parce qu'elles sont déjà bien gratinées. Mais oui, et c'est... On le disait du coup en début d'émission, mais donc il y a ce côté de reprendre les codes de la culture dominante, mais pour les gratigner un peu, quoi. Mais ouais, bah ça, ces musiques-là, ça a un peu né vraiment du... J'ai vraiment une passion pour la musique des années 80, années 90, pas mal les années 70 aussi. Mais vraiment un endroit où mon Spotify, c'est le Spotify d'un daron. Je te jure, c'est scandaleux. C'est gênant, c'est vraiment hyper gênant. Je connais pas les musiques d'aujourd'hui quasiment. Tu vois, des fois, j'entends quelqu'un qui écoute une musique d'aujourd'hui, je la like pour écouter un petit peu ce qui se passe de nos jours. Mais on dirait pas comme ça que j'ai 32 ans. On dirait vraiment que j'en ai vraiment facilement 65. Et à ce que j'écoute comme musique. Mm-hmm. Et j'ai pas honte. C'est juste que je me suis demandé aussi, mais comment faire avec ça? Parce que franchement, ces musiques sont catastrophiques, quoi. Oui. Et à un moment donné, j'ai commencé à collecter ces musiques en me disant, mais j'ai une banque de données qui est quand même assez énorme en termes de musique problématique. Et je veux bien qu'on a apparemment ne pas séparer l'homme de l'artiste, mais c'est compliqué quand t'as une telle culture qui est à ce point-là en fait malfaisante, puisque ce qu'elle fait, c'est proposer et faire circuler des idées qui sont archi-misogynes, qui sont complètement pro-culture du viol, qui sont humiliantes pour les homos. C'est vraiment tout un tas de... Michel Sardou est pro-colonialisme quand même, et ouvertement assumé. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? En fait, on les modifie. Et on va les mettre en avant. Et en même temps, ça rentre trop dans la tête des gens. Puisque c'est des musiques que t'adores. Enfin, on adore tous. Je l'appelle Macho Number 5, mais Mambo Number 5. C'est clairement une musique où il propose d'agresser des femmes, en fait. Et il le dit complètement dedans, quoi. À la fin, c'est tu peux courir, mais tu ne t'enfuiras pas. En anglais, ce qui dit un truc comme ça. C'est quand même comme romantisme. On a vu mieux quand même comme romantisme. Hein, c'est un peu touchy quand même. Toi, ça a commencé comment? Ton premier contact avec le drag, c'était quand? C'était quoi? J'étais enfant. Je crois que c'était un spectacle de fin d'année dans une école de mes cousins, cousines, je crois. Et t'avais des vieilles drag queens comme ça, magnifiques. Tout en venu performer dans l'école. Mais ouais, mais en fait, c'était... Wow. Tu vois, quand... On n'invente rien, en fait. Mm-hmm. Et je me souviens qu'il y avait ce show de rag. C'était entre une musique de Tarkan, le bisou, là, et Extravaganza, Exhibition, et Come On, les Sisters, je ne sais plus comment. Et je me souviens de mes yeux d'enfant, ça a été genre, les yeux qui s'ouvrent. Donc ça, c'était premier vent. Mais après, voilà, après, il y a le temps qui s'est passé. Je crois que mon autre drag queen préférée, ça devait être Dalida. Okay. Pour moi, quand même, est une... a quand même une forme de drag queenisme assez impressionnant quand même. Et après ça, ça a un peu disparu. Je squattais pas mal avec une drag de tournée d'une ancienne génération. Mais il y a eu un conflit de génération à un moment donné, dans nos idées militantes. Ça s'est vraiment explosé de manière assez trash. Et de là, c'est... Je sais même comment c'est né. La vraie manière dont c'est né pour moi, c'était une émission, c'était une série télé que je conseille. Enfin, une série télé. Oh là là, blanquette. Une série qui s'appelait When We Rise. Okay. Je ne sais pas si tu l'as vue. Non. Qui est une série assez hallucinante sur l'histoire LGBTQ aux États-Unis. Si je me souviens bien, 8 épisodes écrits par des réalisatrices différentes à chaque fois, sur 4 décennies. Et l'un des derniers épisodes, c'est le petit jeune journaliste qui dit à je crois, le bras droit d'Harvey Milk, qui est encore en vie, qui s'est battu toute sa vie, qui est quand même l'une des personnes les plus militantes de nos histoires. Et qui lui dit, mais et donc maintenant, quelles sont les prochaines étapes, tu vois? Et c'est la personne plus âgée qui lui dit, mais en fait, la question, c'est à toi qu'il faut la poser. Qu'est-ce que tu fais toi maintenant qu'on ne meurt plus du VIH, on a le mariage, on peut s'inscrire dans l'armée. Waouh. Et qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment what's next, quoi? Qu'est-ce que tu vas faire après, en fait? Et je me suis posé cette question en même temps, en mode, mais qu'est-ce que je fais, en fait? À un moment donné, il faut que je me bouge aussi et faire quelque chose de... Il faut vraiment faire avancer les choses, en fait. Ou du moins, continuer ce que les autres ont fait avant nous. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait ça. Ok. Voilà. Et ton nom, il est arrivé comment? Ah. Comment est-ce qu'on en vient à s'appeler Blanquette la Goulue? Ah, c'était une longue réflexion avec des feuilles A3, énormes, avec des flèches partout et des compositions de lettres et tout, et d'idées, de sémantique, de plein de choses où je voulais vraiment. J'ai eu plein de noms. Mon premier nom, c'était Brigitte Bidet. Pour bébé. Oh. Ouais, Be Initials. Parce que dans le bidet, tu mets les pieds. Et pas que. Et Brigitte, elle avait c'était l'idée d'un peu cette vieille France. Et en fait, Blanquette la Goulue, ça vient de là aussi. Du coup, c'est. J'ai jamais de la bonne phrase pour expliquer ce nom. En gros, c'est deux mots qui veulent plus ou moins dire l'inverse et la même chose. C'est-à-dire que Blanquette, c'est ce plat en sauce qui représente cette vieille France, cette vieille société qui est dans son jus, qui est incapable de voir au-dessus de la casserole, qui est vraiment infecte. Et vieillissante, pourrissante. Et la Goulue, c'est en hommage à la danseuse du Moulin Rouge, qui est la première danseuse du Moulin Rouge, qui était, sans le savoir, une des premières féministes radicales, une femme qui ouvrait grand sa gueule, qui était libre de sa sexualité, qui s'adressait aussi bien aux pauvres qu'aux rois, de la même manière, et qui, du coup, en fait, avait cette grande gueule comme ça, hyper connue dans Paris. Qui est là, du coup, l'égérie de Toulouse-Lautrec dans les affiches du Moulin Rouge à chaque fois. Et qui, du coup, pour son époque, en fait, était une pionnière. Et c'est un peu cette idée que dans une même époque, enfin, un même moment M, en fait, il y avait déjà des choses. Et aussi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des gros fachos, mais il y a aussi des gens qui font avancer le monde. Pareil en 1800, certainement pareil en 1400. Et du coup, c'est aussi c'est une sorte de se dire qu'il y avait déjà des gens avant nous qui se bougeaient grave le cul. En fait, nous on n'invente rien, on continue, mais on va le faire continuer par contre. C'était un peu cette idée-là que j'arrive toujours pas à exprimer correctement en une phrase. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec Quen et avec Gigot. Ben non, non, non, non. Je les connaissais pas quand. Mais non. Quand j'ai commencé. Wow. Quen et Gigot se connaissaient déjà. Ouais. On commençait les raconter ensemble, mais moi je les connaissais pas du tout. D'accord. Non, non. Trop marrant. Je me suis toujours dit que c'était un peu la. Tu sais, la Sainte Trinité du... De la viande, mais c'est ce qui s'est passé. La première fois, on a performé ensemble, c'était hyper marrant, parce que dans le line-up, en fait, il y avait quasiment que des noms de produits animaux, quoi. C'était... D'accord, et justement, donc, Not Allowed Glitter Time, t'es rentré dedans assez vite après tes débuts dans le drag, ou t'avais déjà un peu bourlingué avant de... rejoindre cette aventure-là. Du coup, avec deux personnes que je vais citer plus tôt, enfin, Schlag et Daddy et Laurine Vitreul, on avait ce show qu'on appelait le RAD Ionisos. Donc, c'était une petite structure hyper Schlag, où Schlag et Daddy était Ionisos. Une version du futur de ce dieu de lubrique et du vin, où il avait un gros cubi à la place du ventre, qui du coup faisait comme des règles, sortait mais vraiment des règles en profusion, c'était génial. Et c'était vraiment trash à mort, on adorait. Et puis le confinement est arrivé, donc nous on avait fait quelques scènes comme ça, Rainbow House, une expo par là, on faisait une scène, des trucs où on récoltait de l'argent du coup pour des personnes migrantes. Et c'était vraiment le but du Radio Nisos. Et on avait fait 3-4 scènes, je crois. Ouais, et ça, c'était quand ? Ça, c'était en 2019. D'accord. Puis il y a le confinement qui arrivait. Mm-hmm. Et du coup, nous, on avait déjà fait quelques scènes avec Émile et Laurine Vitreul. Et après, pendant le confinement, on ne pouvait rien faire. Et en même temps, avec Émile, on avait envie de se bouger. Et du coup, on a contacté Dame Lilibès. Et de là, on a lancé Not Allowed. Enfin, on s'est fait une réunion. Okay. Il y avait une drague d'Espagne à l'époque qui est partie maintenant, qui fait ses études, qui s'appelait Arias. Qui était exceptionnel, et la Prig, la Prigari qui était donc qui est un chanteureuse et danseuse. Et du coup, on s'est fait des réunions vu qu'on était potes, on a discuté, on ferait pas. En fait, il y avait des potes qui avaient une maison à la base et qui voulaient qu'on fasse un show dans leur maison. Et à force de reporter et de rajouter des gens dans ce groupe, de gens qui ne performaient pas, et d'avoir des idées qui fusionnaient entre nous, de se rendre compte de si on était quasiment que des personnes trans. Autour de la table, en fait. Des choses comme ça qui ont évolué. Et puis, des potes d'un squad nous ont proposé de jouer chez elle à la bougie. Et là, ça s'est fait. Et on pensait pas que ce serait un truc qui tournerait. Enfin, c'était juste un petit show vraiment pour s'amuser, pour aussi se raconter nos histoires, On a vu notamment des histoires hyper poignantes, il y avait aussi des trucs très fun. Et de là, ça s'est lancé et on a d'autres squads qui ont demandé, nous on a demandé aussi. Et de là, ça a tourné pendant toute cette saison-là, je crois. Un an. On a fait un an avec au moins deux par mois. Et donc après le confinement, ben ça explose dans tous les sens. Si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là que tu rejoins le SACI, que tu te mets à tourner un peu partout. Ça a été comment pour toi, du coup, cet après-confinement, cette sortie de cette année horrible ? Pour moi, c'était du coup... Enfin, c'est un peu horrible de dire ça, mais c'était pas si du coup horrible, parce que j'avais la chance d'être en colocation, par exemple. Ah, oui, oui. Du coup, socialement, ben, j'ai vraiment pu... avoir des contacts avec des gens merveilleux. Je faisais partie de tout un groupe d'Adelphes Cuir où on soutenait beaucoup aussi. Donc, y avait... c'était peut-être dur financièrement, mais après, le reste, socialement, c'était assez... j'avais beaucoup de chance. J'ai aussi l'impression que beaucoup de personnes cuir, pendant ce moment-là, se sont rassemblées. Il y avait pas mal d'initiatives pour être ensemble et c'était assez beau. De là, je sais que j'ai eu pas mal d'opportunités. En même temps, je recommençais l'Oreca et le Darak en même temps, donc ça n'était pas si évident. J'étais d'un coup à rien faire, à être en fait en surcharge de travail et le continuer à le faire parce que j'adorais les deux tafs. Mais ça s'est passé comme ça, j'ai rien vu venir. Et j'ai eu la chance de... J'ai eu pas mal de remplacements au Cabaret Mademoiselle, par exemple, où j'ai cette chance-là. Et du coup, ça m'a obligé aussi à step up mon game un petit peu et de me dire va falloir continuer dans les idées que j'ai, mais par contre, il va falloir améliorer au niveau performance et améliorer mes costumes, si je veux continuer à avoir ces opportunités-là. Quoi. Et comment, concrètement, c'est passé par quoi pour toi de step up ton game ? J'ai vraiment voulu continuer à garder mes messages. Et donc, par exemple, j'ai arrêté d'enregistrer juste à la maison. Et je suis passé par quelqu'un d'extérieur pour enregistrer les musiques. Et du coup, d'avoir une meilleure qualité sonore dans les sons que je faisais. Et en fait, c'est avoir la même proposition, mais comment faire en sorte que cette proposition, elle peut toucher plus de gens ou d'autres gens que les Adelphes dans les squats. Et donc, c'est pas le même public. Tu vois, parce que franchement, jouer en squat, c'est la meilleure chose que tu peux faire dans ta vie. C'est t'as des gens qui sont attentifs, qui te donnent de l'amour, autant on n'est pas payé, autant t'es payé en love, quoi. C'est vraiment hyper impressionnant. Alors que dans d'autres endroits, c'est pas le même truc du tout, c'est pas le même délire. T'as peut-être des gens qui sont plus saouls, t'as des gens qui sont pas du tout concernés, il y a des gens qui sont pas là pour écouter des messages politiques et qui te le font sentir complètement. Tu joues sur des scènes où t'as pas les mêmes qualités de lumière, t'as des vraies lumières aussi sur le... Donc il faut que tes costumes ressortent en fonction de ça. C'est passé par plein de choses. J'ai toujours essayé d'être hyper clémente avec moi-même et de me dire j'ai pas beaucoup d'argent donc je vais pas. Devoir faire des grands trucs, je vais rester vachement en rapport avec mes valeurs et avec ce que j'ai et ce que je peux proposer. Et du coup, c'est passé par un peu juste améliorer mes costumes, surtout le son, et voir comment parler à un public non concerné. Tu fais aussi MC régulièrement. Grosse responsabilité, faire MC. C'est le meilleur taf du monde. Enfin, ça, c'est mon taf que je préfère. J'ai de moins en moins de facilité à performer, tellement j'adore consacrer du temps à être MC. Je pense que c'est... Enfin, pour moi, pour partir au bas, je pense que le drag, c'est un médium que tu utilises pour faire différentes choses. Tu peux faire du drag en radio, tu peux faire du drag à la télé, tu peux faire du drag chanson, tu peux faire du drag chorégraphié, tu peux être plein d'endroits, tu peux raconter des contes en drag. Enfin, je pense que c'est vraiment un médium que tu utilises. Le MCing, ça se rapproche plus dans le stand-up, c'est encore une autre ramification, on va dire. Et moi, quand j'ai découvert ça, c'était vraiment mon kiff, quoi. C'est hyper intéressant. Il y a un endroit où il faut se légitimer complètement, parce que c'est pas évident, mais ça me dérange pas. Et de réussir à... En fait, t'es vraiment le liant, t'es et à la fois le liant pour que les artistes soient présentés correctement et que du coup leur œuvre soit mise en avant. Et comme je sais qu'il y a des fois des MC qui sont hyper trash, un peu bitchy comme ça, moi j'aime bien avoir ces trucs où... Enfin, tu sers de liant, c'est pas toi qui est important. T'es vraiment une marionnette comme MC, et c'est pas grave. C'est juste que tu dois réussir à faire en sorte que les artistes se sentent bien, que le public se sente bien et que tu les prépares à des endroits dont tu peux préparer des pièges aussi, enfin des endroits où, quand tu sais que tu as un truc par exemple, hyper politique ou hyper larmoyant, mais comment tu vas préparer ton public à ça? Et c'est effectivement une responsabilité, mais c'est un kiff total de pouvoir te dire que... De dire que t'es le liant et que... Quoi, le lubrifiant, du coup. Voilà. Mais en fait, ouais, t'es un peu lubrifiant. Et du coup, tu peux aussi des fois ne décider pas en mettre, tu vois, et quelque chose passe beaucoup plus sec, entre guillemets, dans cette métaphore-là, mais de créer ces moments de friction. Mmh. Vous créez ces moments de facilité et c'est trop chouette. Trop bien. Trop chouette. Ben, tu pousses ça encore plus loin au bout d'un moment en créant les shows playback. Ouais. Ça a été comment d'organiser des shows, de contacter des lieux ? Je sais que tu t'es basé sur la liste des bars qui n'avaient pas été concernés par Balance ton bar pour trouver la liste des. Il n'y a pas de liste des bars qui n'ont pas été balancés. Ah, pardon. C'est moi-même qui ai dû faire des recherches par rapport à ce qui a été balancé. Mm-hmm. Et. Bah après, c'était pas juste ça. Hein. C'est, bah, moi, j'ai sorti Not Allowed, que j'avais, du coup, j'avais quitté parce que c'était compliqué pour moi de travailler en collectivité à ce moment-là. Et du coup, bah, c'était comment rassembler plusieurs choses. C'était et à la fois produire plus d'espaces qui seront un jour safe. Mm-hmm. Je dis bien un jour, qui ne le sont toujours pas maintenant. Comment faire en sorte de faire de la place pour le drag, puisqu'il n'y a pas de place pour bosser. Comme tu disais au début, il y a beaucoup plus. Il y a de plus en plus de drag en Belgique, mais en fait, on n'a vraiment pas d'espace. Et Playback, c'est juste une scène en plus qui ne rajoute pas non plus tant que ça d'espace, mais au moins, il y a 3 drags par mois qui ont de l'espace. Et un jour par mois. Et après, il y avait différents endroits. C'était comment professionnaliser le drag en Belgique et du coup, s'aligner avec les autres cabarets. Et du coup, il y a une communication. Notamment, je sais que j'aime beaucoup discuter de ça avec le cabaret Mademoiselle où je s'assis de parler de réalité de travail. En fait, dans le drag. Et du coup, c'était proposé à la fois un booking professionnel, comme dans le théâtre, où on bosse 1 an ou 2 ans à l'avance. Là, du coup, pour Playback, on bosse 3 mois ou 4 mois à l'avance. J'essaie d'avoir des bookings aussi éloignés, parce qu'en fait, ça permet d'avoir des gens qui se disent bah, dans 3 mois, j'ai un travail. Ce qui est hyper important dans un milieu où, en fait, t'es booké la veille, à chaque fois. Donc, ça, c'est la première chose. Et passer tout en déclaré. Ce qui n'est pas non plus monnaie courante dans le milieu queer. Donc les personnes qui performent pour Playback ont un contrat. Ouais, un contrat, tout est déclaré. On se base sur en fait, un milieu de travail normal, en fait. Mm-hmm. Tu vois, c'était et à la fois proposer un endroit safe dans le milieu nocturne bruxellois qui est absolument pas safe, et à la fois se dire que en fait, c'est un vrai métier. Et du coup, on mérite d'être prévenu à l'avance pour travailler, on mérite d'avoir un salaire qui va nous peut-être procurer une pension, ou du moins nous mettre en non-insécurité. Et concrètement, financièrement ? En gros, donc Playback, moi je le vends au bar. Entre guillemets, je le vends. Moi, j'ai pas de bénéfice dans Playback. Après un an, on n'a toujours pas de... Okay. 0,00 euros. Au contraire, je donne mon argent pour Playback tout le temps. C'est pas un projet qui financièrement est intéressant du tout pour moi, en tout cas. Mais ce qui se passe, c'est que donc moi, je propose au bar cette initiative queer, qui est la mienne, avec mes idées. Je dis pas qu'il y a rien en collectif, il y a que juste les idées de Blanquette dedans. Et mon idée, c'est ça, c'est cette professionnalisation du drag, c'est permettre après peut-être 5 shows dans ce bar X d'avoir de plus en plus des clients qui sont au courant, qui sont de plus en plus à même de réfléchir, à comprendre, à être des bons alliés, puisque c'est des bars hétéros, et donc à devenir de vrais alliés. Dans ces endroits-là, ben, en fait, les serveuses, soit sont déjà dans notre cause, soit deviennent des alliés assez incroyables, et c'est ce qu'on a vu dans tous les bars où Playback se produit. Et du coup, avec ces bars, moi, ce que je leur propose, c'est de ne pas signer pour un show, ça on ne fait pas, mais en fait, d'accepter le show au moins 2 à 3 fois par an dans le bar, et en fait d'avoir un travail ensemble sur comment faire en sorte que ce bar devienne un bar inclusif. Et du coup, notamment, la question des salaires se pose là, et du coup, c'est le bar, en fait, finance le projet. Et donc, même si on avait, par exemple, une seule personne qui venait voir le spectacle, ben, en fait, le bar paye quand même les artistes. Ça, donc le bar, en fait, quelque part, achète des dates de Playback comme un théâtre achète. Comme ça, ou comme un DJ, en fait. Tu vois, on paye X euros pour un DJ dans une soirée, même s'il n'y a personne qui vient, le DJ sera payé. Ben c'est pareil là, et en fait c'est pas si cher, en fait on a encore une fois on a une vision très faible de notre travail, donc on n'est pas très cher. Et du coup, ça qui est chouette, c'est que peu importe ce qui va se passer dans la soirée, les artistes vont être payés. S'il s'avère qu'un jour il y a un surplus, ben du coup le bar le filera à une association, et enfin principalement le TSFB qu'on défend. Donc le TSFB, c'est le Trans Solidarity Fund of Belgium. C'est ça. Et donc la question aussi de la billetterie, oui il y a une billetterie à Playback. Dans le contexte, donc Playback c'est un show pour les bars hétéros. Moi, je suis hyper content de voir que plein de queers viennent. Mais c'est avant tout un show qui circule dans les bars hétéros. Donc, ce qui est chouette, c'est que ça fonctionne sous 2 façons. C'est que, et on ramène un show queer à des hétéros. Et en même temps, y a plein de personnes queer qui suivent le projet et qui le soutiennent et qui viennent voir le show. Pour la billetterie, on fonctionne pour l'instant de cette manière suivante. C'est qu'on a 3 prix. On a une quantité de places limitée à 9 euros. Pour les personnes qui n'ont pas d'argent et on ne demande pas de preuves. Il y a le prix normal qui est à 12 euros pour le spectacle et il y a le prix soutien à 15 euros. Ce qui est plus ou moins cher que la plupart des spectacles qu'on peut voir. On fait aussi en sorte que tout ce qui est charge du site, les frais du site et tout, sont à la charge du bar et non pas des spectateurices. ce qui est encore une réduction de salaire. Et après, on peut toujours s'arranger si les gens n'ont pas d'argent, quoi. Mais c'est la méthode qui a été trouvée pour être sûr que tout le monde est payé, pour que le bar puisse aussi récupérer un peu son argent. Parce que c'est compliqué de mettre genre 1000 euros comme ça d'un coup. Pour un bar où moi je viens de l'Oreca aussi, je sais que les bars galèrent. Et que peu importe le bar, c'est l'Oreca là, prend cher depuis le Covid. Donc c'est un bon, pour moi, un très bon entre-deux qu'on a su travailler ensemble. Comment tu tiens à faire tout ça? Je suis fatigué. Ben oui, en plus, au moment d'enregistrer ce podcast, il y a, je crois, moins d'une semaine, Brenda a mis un message sur Instagram en disant justement qu'elle était fatiguée, qu'elle devait faire une pause, qu'elle prenait du temps loin de ça. Ça guette un peu, cette fatigue. Ben, elle a bien raison, ma petite chérie Brenda. Je ne sais pas, moi, j'ai toujours des ressources insoupçonnées qui débarquent. Je viens d'une famille où on a toujours travaillé. Moi, je travaille depuis que je suis enfant, dans la boulangerie de mes parents. J'ai toujours travaillé, tu vois. Genre, c'est un truc où genre, c'est un moteur au quotidien, enfin, pour ma part. Et je sais que j'ai ce privilège-là. Les bacs, ça tient parce qu'il y a Émile derrière qui est... dont moi, j'ai aucun, par exemple, point de vue sur la technique. C'est Émile qui est là et qui bosse magnifiquement bien dans toute la technique du projet. On verra par la suite si on fait appel à des productrices pour soutenir le projet. Pour l'instant, je peux tenir. Et ce qui me motivait, là, c'est le statut d'artiste. J'ai déposé, donc on verra si au moment de la diffusion, j'ai eu le statut ou si j'ai arrêté le drag. On verra, on peut faire deux versions du podcast. Si voilà, c'est ça. Mais je tiens parce que je suis bien entouré aussi. Ouais. Je pense que je suis vraiment très, très bien entouré. Et j'ai des amis qui m'aident. J'ai mon chat aussi qui m'aide beaucoup, en vrai. Et aussi, j'ai pas arrêté la teuf, mais je l'ai calmé aussi énormément. Là où j'étais une personne qui faisait énormément la fête avant, mais toute cette énergie-là, je l'ai focus dans le taf, donc c'est une énergie que j'avais déjà. Je pense qu'on n'a pas tous le même potentiel d'énergie, on va dire, ou les mêmes quantités d'énergie dans nos vies, et moi j'en ai beaucoup. Et du coup, c'est là que je... Dans le travail, ça va. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas que je fasse la fête, par exemple. Pas que d'accord. Je fasse trop la fête. Okay. Sinon là, je n'aurais pas le même discours. Et bien, pour revenir à la politique, et aux politiques... on vit une période compliquée. On va parler de Georges-Louis Boucher. Je n'en pose rien du tout. Mais bon, la période, elle est compliquée, entre popularisation du drag, attaques diverses, opportunités aussi qui se créent. Toi, tu portes quoi comme regard sur la période dans laquelle on vit? J'avais peur de cette question. C'est un peu bateau. Hein, pas forcément, mais en même temps, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je pense que même toutes les questions dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une réponse maintenant. Pour ce mois-ci, cette semaine-ci, ce jour-ci, de cette année-ci, je me laisse, tout comme la définition du cuir ou du drag, je me laisse la liberté de penser quelque chose de différent demain. Je suis une personne non-binaire, donc dans mes choix de vie et tout, je vois la non-binarité partout. Et je trouve ça génial qu'il y ait des grosses opportunités, même dégueulasses, tant que des gens peuvent payer leur loyer avec, on les prend. Après, je me méfie. Aussi, une autre partie de moi qui est hyper méfiante de voir tout ça. Au quotidien, on se fait encore défoncer. Professionnellement, on n'a encore personne. À voir à quel point on nous utilise ou pas dans ces opportunités-là. Pour le côté grosse violence de partout au niveau politique, ça ne m'étonne pas. Ça a toujours été là, en fait. J'ai plusieurs regards, on va dire. Je suis à la fois inquiète, déçue et heureuse. Et quel rôle le drag a dans toute cette période compliquée? Est-ce qu'il faut que les drags descendent des scènes et aillent dans la rue en masse? Je ne sais pas si le drag a un rôle, c'est plutôt... Le drag, c'est des individus. Et comme, en fait, le problème... Peut-être que c'est ça le problème, c'est qu'on voit le drag comme le drag. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut le cibler comme un truc qui dérange les enfants, qui est trop woke. Parce qu'en fait, on s'intéresse à une forme qui regroupe 1 milliard de formes différentes, alors qu'avant tout, c'est des individus. Et qu'est-ce qui dérange ces individus? C'est que la plupart sont cuir, c'est qu'il y en a blindés qui sont trans, c'est qu'il y en a plein qui sont homo dedans. Et c'est ça qui dérange. En soi, c'est pas la forme d'art qui dérange, enfin les formes d'art. Et je crois qu'en nommant ça le drag, on ne s'intéresse pas aux individus qui composent le drag. S'il y a des gens qui se sentent de descendre dans la rue, évidemment, il faut descendre dans la rue. S'il y a des gens qui se sentent de prendre des pavés, évidemment, il faut prendre des pavés. S'il y a des gens qui se sentent de dormir plutôt, ou de se reposer, ou de prendre soin d'eux, alors qu'ils le fassent, c'est... je pense qu'on... Je ne sais pas. Moi, je me demande... Je ne sais pas quelle place... Moi, je sais que j'ai plus cette capacité, par exemple, d'aller dans la rue. Peut-être c'est aux alliés d'aller dans la rue, non? Ce serait bien, en tout cas. C'est à tous les gens qui viennent voir nos spectacles, qui veulent nous engager. C'est plutôt à ces gens-là qu'ils aillent dans la rue et pas que dans la rue une fois par an à la Pride, quoi. En parlant de la Pride, du coup, ça fait 2 ans que tu participes en tant que performeuse ou en tant que MC au Back to the Roots qui est organisé par le Crazy Circle le jour de la Pride. Ouais. C'est important pour toi, du coup, d'avoir justement cette fête qui est dans la rue, où il y a une rue qui est bloquée, pour qu'une scène drag et queer se passe dans la rue le jour de la Pride. Je pense que ce qui est hyper important pour moi, c'est aussi le fait que ce soit co-organisé par des lesbiennes, co-organisé par des personnes queer, co-organisé par des associations de personnes migrantes. Back to the Roots, c'est vraiment hyper important. Leurs méthodes de travail sont juste fabuleuses. C'est des gens qui sont dans l'écoute constante. Il y a une bienveillance en interne qui est assez retentissante, on va dire. Moi, je pense que c'est le meilleur espace de travail que j'ai eu pour l'instant. J'espère à tous les adeptes de travailler un jour avec Back to the Roots, enfin, ou du moins aussi Quif, qui est donc co-organisateur. C'est vraiment un moment magique. Tu sens qu'il y a plein de gens qui ont de l'espace, de la parole. Il n'y a rien qui est demandé. Juste ces gens nous payent correctement pour faire notre travail avec une liberté, mais qui est vraiment, enfin, juste merveilleuse, qui est queer, quoi. Et il y a plein de gens partout. Il n'y a quasiment aucun problème. Enfin, je n'ai pas entendu beaucoup de problèmes, en tout cas, même dans le public. Mm-hmm. Tu vois, contrairement à ce qui s'est passé dans le centre-ville avec la Belgian Pride, où le nombre d'agressions, même au sein de la communauté, était assez impressionnant. Et là, il n'y a rien de tout ça. C'est assez chouette, j'ai hâte de voir l'édition l'année prochaine qui s'annonce un peu plus grande encore. Mais ça, j'en sais pas plus. Ça n'arrête pas de grandir, tant mieux. Quel regard est-ce que tu portes aussi sur, sur le rapport entre le drag et les institutions culturelles ? Parce que le Sassy a joué il n'y a pas longtemps Jacques Franck, il y a eu Hippocampe il n'y a pas longtemps, il y a des projets comme ça qui amènent, enfin, en tout cas qui ont l'air d'amener le drag dans les institutions culturelles. Pour toi, C'est quoi? Ce n'est pas vraiment une question, ça. Mais je pense qu'il y a plein de choses à dire. Il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce que le drag, c'est du théâtre? C'est une première question que se pose Lily Besmerle, notamment via Hippocampe. Et je trouve que ça donne foi et ça donne raison pourquoi on est au Varia ou on est à la Balsamine. Mm-hmm. C'est, si on considère le drag comme du théâtre, ce qui en fait est le cas, bah alors oui, on est juste des actrices comme les autres qui justement qui ont mieux et s'habillent mieux que la plupart des actrices sur scène. Donc ça, c'est une chose. Après, est-ce que on est dans le théâtre parce que les institutions veulent se queeriser, veulent paraître dans la tendance, dans cet espace temporel où il nous faut des tokenismes, du tokenisme partout. Alors là, bah, c'est pas tip top. Est-ce que si c'est le cas, est-ce qu'on en tire profit? C'est une autre chose. Est-ce que des gens, par exemple, comme moi, j'ai bossé à la Vénerie il n'y a pas longtemps, le centre culturel de Watermael-Boisfort, nous invite pour en fait nous proposer des bonnes conditions de travail? Bah, alors du coup, là, c'est absolument fait. Enfin, là, par exemple, c'était juste génial de se dire, bah, vous nous invitez pour faire la même chose que dans un playback normal, sauf qu'on le fait avec des meilleurs salaires et des conditions de travail juste vraiment exceptionnelles. Et donc ça a du sens. Ça dépend, je pense, pourquoi on y va. On a une super bonne discussion avec un directeur de théâtre qui me demandait, mais en fait, pourquoi? En fait, c'est pourquoi vous voulez venir au théâtre? Et c'est une bonne question. C'est, est-ce que c'est pas mieux, en fait, notre magie, de garder notre magie dans les cabarets, dans les caves, dans ces endroits-là qui, oui, effectivement, c'est pas les meilleures conditions, mais le drag, il est aussi magique parce qu'il est dans des endroits comme ça. Et c'était une réflexion, c'est pas une finalité, c'est une réflexion de pourquoi on y va. Nous aussi, faut se poser la question pourquoi on va dans les institutions. À fond. C'est quand même un milieu qui est lent, qui est hyper privilégié, qui a des raisonnements qui sont loin d'être modernes. Donc, pourquoi on y va? Il faut se poser cette question-là aussi, je pense. Super. On va terminer avec un point absolument formidable. Bon, là, en plus, au moment où on parle, on est à un an des élections. Les partis... je savais pas. Les partis politiques commencent à faire le tour des assos LGBT+, pour... pour un peu venir parader et demander, ah mais du coup, quel agenda queer et LGBT+, on peut mettre dans le parti pour choper des voix et tout ça? Eh ben. C'est fantastique. Je pense que c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner. Donc les partis, t'en attends pas grand-chose, quoi. Le système politique, le système d'élection, etc., c'est... Bah, je sais pas. Est-ce que ça peut être des alliés de circonstances? Mais je pense, ça fait longtemps que je pense ça, c'est que je crois que l'activisme se fait à différentes vitesses et à différents niveaux. Autant j'encourage l'activisme radical et le communautarisme queer parce que ça permet de faire bouger des choses, mais vraiment de terrain et d'activer des systèmes. Autant je pense qu'il faut aussi que les politiques soient là et même si c'est la plupart des vendus, mais je pense qu'on a besoin d'ALE pour activer au niveau législatif en fait les choses, et qu'on a besoin des gens comme Sarah Schlitz qui font réellement bouger des choses, qui nous répondent à nos mails, qui font avancer les dossiers. On aura beau être les plus visibles possibles, les plus violents possibles entre nous, tant qu'en haut ils font un blocage, ça n'avancera pas in fine quoi. Je crois qu'on a besoin d'ALE autant qu'elles ont besoin de nous, mais c'est pour ça qu'il faut des bons alliés en politique quoi. Et on y croyait avec Sarah. On y croyait. Oui. Elle venait à la transpé des Gwyn. Oh, quelle déception, quoi. Aussi, niveau politique, je pense qu'il est important d'en parler parce que c'est. En fait, la plupart des gens ne voient pas ou ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et du coup, on y va finalement tous les X temps voter sans se rappeler que le MR était contre le mariage pour tous. Mmh. Sans se rappeler que la NVA a des propos transphobes régulièrement ou des frasques transphobes. Et en fait, il faut constamment rappeler et parler de politique parce que sinon, on oublie. Oui. Et la machine politique, elle est faite pour oublier, pour vraiment continuer à avoir des voix, qu'on constamment mettre une sorte d'écran de fumée, voilà. Comme les lois, par exemple, le statut d'artiste, tu vois, il y a un truc où, en fait, on ne sait rien. On ne sait rien parce qu'on n'a pas ce privilège-là de savoir. Enfin, il y en a qui savent, évidemment, qui ont fait des études et tout. Mais pour moi, perso, ou pour plein de copains, bah, en fait, on n'est pas au courant de rien. Et du coup, le savoir, c'est une richesse qu'on n'a pas la chance d'avoir. Et moi, ça fait longtemps que je me dis vraiment, en fait, il faut acquérir ça parce que sinon, on est des pions. On nous utilise et t'es juste, tu sais pas, et du coup t'avances comme ça en regardant le sol. Et moi, je veux avoir ce privilège-là, je veux me dire que je peux me battre contre eux aussi à force égale, en connaissant le système et en n'ayant pas peur, parce que j'ai essayé de comprendre quels étaient les tenants aboutissants de ce système-là, quoi. Ça me paraît être un très très bon mot de la fin. Oh, c'est déjà fini. Et oui. Mais il reste encore, avant de se quitter définitivement, des petites questions rituelles que je pose à tout le monde. Alors bon, on en a beaucoup parlé, mais sans le nommer exactement, Blanquette, est-ce que le drag va changer le monde ? Je dirais pas que le drag va changer le monde, je pense que les personnes queer changent le monde. Si tu pouvais t'inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui ? Ce serait quoi ? Je pense que ce serait Georges-Louis Boucher, pour qu'il puisse enfin dire des trucs intéressants. Ah, le rêve ! Georges-Louis Boucher, j'adore. Donc on part sur du king queer Du drag tat, du drag tatouage. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que tu as un prochain numéro dans les tuyaux ou pas trop ? Ouais. J'essaie toujours de bosser sur plein de numéros en même temps. Je sais pas si ça va aboutir, mais j'aimerais bien. Parce que du coup, des fois, je mets pas que des musiques mauvaises, j'aime bien aussi travailler sur des belles musiques. et là, sur la grande Zoa de Régine, je sais pas si tu vois. Non. C'est une musique où en fait, elle parle d'un travesti. Enfin, dans une époque où on mixe un peu travesti et transformisme et drag queen, et même je pense un peu transidentité d'ailleurs, et les paroles sont à la fois mignonnes, à la fois tristes, à la fois le constat d'une époque qui est toujours la même que maintenant, et je te conseille d'aller écouter parce que c'est souvent un truc mais en fait c'est les paroles sont vraiment intéressantes et j'aimerais bien les réinterpréter d'une manière presque comme de maintenant, mais qui ne change pas grand-chose au sens de l'époque. Mmh. Trop bien. Et enfin, Blanquette Lagoulue, plutôt freak ou plutôt merveille ? Merveilleusement freak. Oh, j'adore. On te l'a déjà dit ? Peut-être. Il faudra écouter les épisodes pour savoir. Bon, bah, merci beaucoup, Blanquette, d'être passée. C'était merci trop, à toi pour chouette. L'invitation. Et puis, à très bientôt. Oui, à et longue vie au drag et longue vie au politique. À fond et aux freaks, bien sûr. Longue vie aux freaks. Salut. Bisous.